Galaxy. lo ha dado niña.

Somebody, that's how a good love You stand by me. s'installe ici, c'est un véritable problème ici. Si t'as quelque chose, raboule. Raboule. Raboule. Raboule.